plie, je le plie comme des origamis. T'es pas mon frère, t'es juste un horrible ami. J'suis dans ma sphère, j'tourne en rond, j'fais des rallyes. J'écris ma vie et j'attaque, ça ralasse. Skli, skli, je plie comme des origamis. T'es pas mon frère, t'es juste un horrible ami. J'suis dans ma sphère, j'tourne en rond, j'fais des rallyes. J'écris ma vie et j'attends que ça ralasse.